Mais la police locale apprend les complices de Don Juan. Et Boracchio répète à Don Pedro la scène complotée par son frère Don Juan, scène que Boracchio a déjà racontée à l'un de ses compagnons pour faire accuser à tort Héro d'infidélité. Héro est, de ce fait, innocenté, d'autant plus que Don Juan s'est enfui de Messine. Après avoir exigé de Claudio qu'il témoigne publiquement de l'innocence d'Héro, Leonato invite Claudio à épouser une autre de ses nièces. Presque la copie de l'enfant morte, précise Leonato. Claudio accepte et se prépare à épouser, voilée, la prétendue cousine d'Héro. Mais à la cérémonie, Claudio, relevant le voile de la mariée, retrouve sa chère Héro. Et Bénédicte demande sa main à Béatrice, qui accepte après une dernière dispute d'amoureux. Et tandis que les deux couples et leur entourage s'apprêtent à fêter cette double union, un messager arrive et avertit Don Pedro. « Monseigneur, votre frère Don Juan a été arrêté dans sa fuite et ramené à Messine par des hommes armés. » Bénédicte à Don Pedro. « Ne pensons pas à lui avant demain. Je trouverai pour lui un bon châtiment. En avant, les flûtes. » On danse, tous sortent.